Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Encore une fois, j'ai une sélection d'artistes internationales qui offrent leur musique en téléchargement gratuit. Donc, toutes les pièces que vous entendez à l'émission, c'est possible de les télécharger. C'est gratuit et c'est légal. Donc, je vous invite pour télécharger tout ça. Donc, rendez-vous donc sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous avez les liens pour télécharger les pièces. Puis, si vous manquez des petits bouts d'émission, c'est pas trop grave. L'émission est disponible en balado-diffusion. Donc, vous pouvez l'écouter à tout moment quand bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter tout ce que vous faites pour écouter l'émission. On va débuter avec un peu de hip-hop instrumental et hip-hop, mettons, expérimental. On va débuter avec un Hongrois du nom de Artner. Je vous fais passer sa pièce Science Circus. C'est sur le netlabel Buddha Beats, un netlabel qui vient de la Hongrie. Ensuite de ça, un artiste du Brésil du nom de Mongorilla. Je vous fais passer sa pièce Picnic Atomic. Et ça va débuter web musique comme ça. Donc, on écoute tout de suite Artner avec sa pièce Science Circus. Thank you. most beautiful sights ever seen by man. You're probably saying, so it's beautiful. What makes it so dangerous? Enough exposure to radiation will cause loss of hair. Okay, Yankee! Stick 'em! Mais quel chaos quand même. C'était Mongorilla avec sa pièce Picnic Atomique. Mongorilla qui vient du Brésil. Vous avez sûrement reconnu les échantillonnages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire-là. Ça s'appelle Duck and Cover. C'est un documentaire qui a été préparé par le gouvernement américain. Je crois que c'est dans les années 50. C'est un documentaire qui invite les gens à se préparer à une explosion atomique. Donc, c'est vraiment, mais assez tordant comme documentaire. C'est totalement irréaliste. Des solutions comme placer un journal devant soi pour s'abriter. Donc, vraiment, si vous pouvez télécharger ce documentaire-là, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment tordant. Donc, Mongorilla qui s'est inspiré du documentaire pour faire sa pièce Picnic Atomique. On avait débuté l'émission avec un Hongrois du nom de Hartner. C'était sa pièce Science Circus. Ça, c'était sur le netlabel Buddha Beats. Puis Mongorilla, il est sur Container Incorporated. C'est un netlabel qui vient du Brésil, je crois. Donc, on va poursuivre avec deux artistes qui viennent de l'Angleterre. Le premier s'appelle Dust Motes. Je vous fais entendre sa pièce Farewell to Trends. Dust Motes, qui est sur l'excellent netlabel Public Spaces Lab. C'est un netlabel qui vient de l'Espagne. Ils sont très impliqués dans le monde du net audio. Ils proposent surtout des trucs expérimentaux, mais ils sont ouverts à pas mal de trucs. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour de leur côté. Ils ont des trucs vraiment intéressants. Après Dust Motes, on va entendre Texture, un artiste qui donne dans le hip-hop. Cette pièce-là s'appelle Impact, c'est featuring Harlequinade. Donc ça, c'est sur le netlabel Black Lantern Music, un netlabel qui se spécialise dans le hip-hop, hip-hop instrumental et musique connexe. Donc pour tout de suite, on écoute la pièce Farewell to Trends par Dust Motes. Thank you. Clocks will stop at the moment of impact. Will we lacerate reality when we tear off these masks? What good's omniscience in real space-time? Through the bright light of black lantern shines. Goodbye, pedal up, right down to trilobite. Ticking down the moments of the monolith's decision. Creation to extinction to the moment of redemption. All machines with a carbon base and silicon get the vaccine destruction. Dismantle foundations of archaic superstitions. Lament configuration. Extinguish the sun. Tear out their tongues, I can't help it. An appetite for destruction and a recipe for disaster's clear. Long pity as you grow fatter and fatter, all fathered on matter. Angels to some, demons to other, causing effect and just frequent concurrence, original utterance, the bleeding of penance. Like Virgin Mary's morning sickness and stretch marks, the vast act of living intelligent system. God not conceived the names man would give him in the post-revolution system. Through our normal words of wisdom, when we find a wise man, we kill them. Breaking the spell of prophets, facing backwards and anguish, the language compels with scroll stolen on suicide passing spacecraft and laugh. Follow the math. Will time stop at the moment of impact and allow sound like smash? Trash in the past, the seconds flash past. Boom, speak your own dooms. Inciting human tombs. Will consume two shrooms and enter locked rooms with haste. Read my shame and disgrace on the loom of fate. And trace erase race, speak metaphors and the wounds of the displaced. Cause the expiration date, laced with razor blades. Satiated, too elated. I'm universally hated. Chroma lead plated. I'm a fake kid. Back in traction, exfiltration and abstraction, inspiration and extraction. You're a distraction, a laughing gas, hallucination, a fraction. An irrelevant interposition that requires no further elucidation. For example, you're drunk, sober and lucid at my station. Trace my nameplates and erase them. I'm faceless, ageless, spaceless, exterminated bureaucrat. Lips smacking and clapping my hands for quangos and eating fresh peeled mangoes. Thank you. Speculative fiction, beguiles who we listen. Chilling the village, keep the children well hidden. Scandalized victims, transmorph apparitions. Free floating through the torso open casket. Don't think so. There is thought, there is a thinker, but the two are not necessarily one and the same. This soul is ice in the brain, and it shrinks down the skulls to forever trapped in that way. Talking of an update, all around's plague. I'm like my Faraday cage. Eyes without face, hope without faith. Amazing grace, endless maze. Tools of the trade, stethoscope, scalpel, speculum. Great divide, rising tide, rooftop to rooftop, the body snatches thrive inside, chapter 5 day aside, the 10th sublevel, suicide, strange loop, eternally raining, car crashes, black magic, is that like tactics, new revelations, a primal spaceship, a monolith exists in the labyrinth of wings, epistemology will save you, this entropy will break you, will time stop at the moment of impact, you find out, you hang back, I'm going down the river with a sack full of cats, spouting tailored rhetoric, meta-machine filtered by organic politics, synthesized metropolis, city virus disease, pollen apocalypse, fractured aperture, damaged Cylon actor, lilacs who face dancer on the waves of smothered ambition, I'm left wishing, trade telepathy for entropy anytime, any place, space sucking into black holes, you're left old, cold and boneless, mutant skin sack, abandoned war shack, bleed out the manifold cells of identical biochemistry, boy band test tube projects, all on my logic. To avoid chronic loss and beat the level boss, you must first cross the frost in the fields of cyclical, cylindrical, spiraling patterns. And no peeking at the player's guide, whatever happens, you can't hide. I've scanned the nodes and entered the cheat codes. So when you question my theories, I say up, up, left, right, down, start, continue. Suck it up, motherfucker, now the word virus is in you. I trip, ubiquitous member to pseudopod prophets and triple process. Board prefect rescue plans with outstretched hands. Trying to make friends with the dominant life form before the colony collapses. You carbon consumers, carbon trading, carbon junkies, carbon copies. Offset this. C'était Texture avec sa pièce Impact, c'était featuring Harlequinade. Donc Texture qui vient de l'Angleterre, c'était sur le netlabel Black Lantern Music, un excellent netlabel. Avant ça, ben, c'était toujours de l'Angleterre, Dust Mote avec sa pièce Farewell to Trends, c'était sur le netlabel Public Spaces Lab, un netlabel qui nous vient de l'Espagne. On va poursuivre avec un autre artiste de l'Angleterre. J'en ai pas mal ce soir. Son nom, c'est King Bastard. C'est un album autoproduit. Je vous fais passer sa pièce « I'm waiting for my head to explode ». Ensuite de ça, de la France, la ville de Lyon, plus précisément, Métastase. Je vous fais passer sa pièce « Orient Folk ». Ça se retrouve sur le netlabel Tazar Music. Donc, ben, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique et on écoute King Bastards. Oh. La nouvelle programmation printemps-été 2010 de CKRL prendra bientôt son envol. Vous souhaitez monter sur la plus haute branche pour vous lancer? CKRL, la radio culturelle de Québec, vous en donne l'occasion. Vous avez jusqu'au 17 mai inclusivement pour soumettre votre projet d'émission de radio. Une occasion unique de s'inscrire dans l'histoire de la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Vous devez être membre en règle de CKRL ou le devenir afin de vous joindre à notre équipe d'animation. Pour en savoir davantage sur la marche à suivre, rendez-vous au www.ckrl.qc.ca. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait l'excellente pièce Orient Folk. C'est par Métastase, un artiste qui vient de Lyon. C'était sur le netlabel Tazar Music, un netlabel que Métastase a fondé. Donc, un netlabel qui est plein de promesses. Il y a plein d'albums. Ils ont sorti seulement deux albums, je crois, pour le moment, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres excellents qui s'en viennent. Donc, c'est un netlabel à surveiller. On va poursuivre avec un artiste italien du nom de Enjoy. Je vous fais passer sa pièce Portrait. C'est sur le netlabel Materialism. Ensuite de ça, sur Split Notes, l'artiste s'appelle Sevish. C'est un artiste qui vient de l'Angleterre. Je vous fais passer sa pièce Islands. Donc, vous allez voir, on va rentrer dans une période un peu plus drum and bass. Vous allez voir la seconde partie de l'émission. Ça déménage. Donc, c'est ça pour tout de suite. On écoute Enjoy avec sa pièce Portrait. It's alright. It's alright. You okay? très beau mix du gamelan avec drum and bass. C'était l'artiste anglais Sevish avec sa pièce Islands. C'était sur le net label Split Notes. Avant ça, ben, on a débuté le bloc avec Enjoy, un artiste italien. On entendait sa pièce Portrait. Ça, c'était sur le net label Materialism. Donc, on va poursuivre l'émission Web Music avec un artiste encore de l'Angleterre. J'en ai beaucoup ce soir. Donc, l'artiste s'appelle Wagga Wagga. Je vous fais passer sa pièce Sleep Walker. C'est sur le net label Acroplane. Puis ensuite de ça, un artiste de la ville de Montréal du nom de Joël Aimé. Je vous fais passer sa pièce Joël Aimé au pays des Chinois. Vous allez voir une pièce vraiment, mais vraiment tordante. Ça, c'est distribué sur The Centrifuge. Ça nous vient de l'Angleterre, ce net label-là. Donc, c'est ça. À l'antenne de CKRL, on écoute tout de suite Wagga Wagga. C'était Joël Aimé avec sa pièce Joël Aimé au pays des Chinois. Joël Aimé qui vient de Montréal. Donc, c'est ça qui vient de Montréal. C'était sur le netlabel de Centrifuge, un netlabel qui vient de l'Angleterre. Avant ça, c'était Wagga Wagga avec la pièce Sleepwalker. Ça, c'était sur Acroplane. Donc, vraiment une excellente pièce. On va terminer l'émission sur une dernière pièce. La pièce s'appelle Secondhand Smoke. C'est par l'artiste mexicain Defender. C'est sur le netlabel Tequila. Donc, on va se laisser sur cette pièce-là. Moi, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous pouvez télécharger toutes les pièces que vous entendez à l'émission. Aussi, durant la semaine, puis pas mal tout le temps, j'ai toujours un compte Twitter quand même assez actif. Donc, j'y vais de recommandations, de toutes sortes de trucs. Donc, si ça vous tente de suivre l'émission, allez faire un tour à twitter.com/webmusique. Donc, c'est ça, c'est tout pour Webmusique. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21 h. Après l'émission, ça va être une sélection musicale de Daniel Marcoux. Je vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Motherfucker! et de l'île d'Orléans jusqu'à Saint-Antoine-de-Tilly, en passant par Limoilou et le Québec intramuros, sans oublier Saint-Roch. La musique de la vieille capitale est à l'honneur. 1h30 de panse globale, mais consomme locale. Ton voisin, c'est un musicien. Nouvelle émission, même combat, signé Monsieur Monum. Tous les lundis de 14h30 à 16h. Pour le contenu, le Colocas, le Latour et l'Orchestra, Who Are You, Annick, I Know, Clément Jacques, Oromoto Diamond, Shampoing, Sophie Antilles, les autodidactes, Plastic Light, The JMC Project, Waving Hands, Scaffold, Mathématiques, Rando Spear, Lorosité, Perhaps Because, Nathalie Lassar et ses têtes de compte, Les Beauvrouven, Les Goules, Polype, Saint Flemme, Kid Kuna, Paul-André Cassidy, Acrophone, Jean René, Emily Clapper et Call Me Poupée pour ne nommer que ça. Moi, mes artistes, comme mes tomates, je les consomme local. Ça, c'est de l'éco-logique. Menon. Le 89.1, la radio culturelle à Québec.